que cette aventure ne deviendrait-elle pas entre mes mains, s'il me prenait en fantaisie de vous désespérer? Je donnerai de l'importance à cette femme. J'en ferai la nièce d'un curé du village voisin. J'ameuterai les paysans de ce village. Je me préparerai des combats et des amours. Car enfin, cette paysanne était belle sous le linge. Jacques et son maître s'en étaient aperçus. L'amour n'a pas toujours attendu une occasion aussi séduisante. Pourquoi Jacques ne devient-il pas amoureux une seconde fois? Pourquoi ne serait-il pas une seconde fois le rival et même le rival préféré de son maître? Est-ce que le cas lui était déjà arrivé? Toujours des questions. Vous ne voulez donc pas que Jacques continue de rester de ses amours? Une bonne fois pour toutes, expliquez-vous. Cela vous fera-t-il? Cela ne vous fera-t-il pas plaisir? Si cela vous fera plaisir, remettons la paysanne en croupe derrière son conducteur, laissons-les aller et revenons à nos deux voyageurs. Cette fois-ci, ce fut Jacques qui prit la parole et qui dit à son maître. « Voilà le train du monde. Vous qui n'avez été blessé de votre vie et qui ne savez ce que c'est qu'un coup de feu au genou, vous me soupçonnez, à moi qui ai eu le genou fracassé et qui boite depuis 20 ans. » Tu pourrais avoir raison, mais ce chirurgien impertinent est cause que te voilà encore sur une charrette avec tes camarades, loin de l'hôpital, loin de ta guérison et loin de devenir amoureux. Quoi qu'il vous plaise d'en penser, la douleur de mon genou était excessive. Elle s'accroissait encore par la dureté de la voiture, par l'inégalité des chemins, et à chaque chaos, je poussais un cri aigu. Parce qu'il était écrit là-haut que tu crierais? Assurément. Je perdais tout mon sang, et j'étais un homme mort si notre charrette, la dernière de la ligne, ne se fût arrêtée devant une chaumière. Là, je demande à descendre. On me met à terre. Une jeune femme, qui était debout à la porte de la chaumière, rentra chez elle et en sortit presque aussitôt avec un verre et une bouteille de vin. J'en bus un ou deux coups, à la hâte. Les charrettes, qui précédaient la nôtre, défilèrent. On se disposait à me rejeter parmi mes camarades lorsque, m'attachant fortement aux vêtements de cette femme et à tout ce qui était autour de moi, je protestais que je ne remonterais pas et que, mourir pour mourir, j'aimais mieux que ce fût à l'endroit où j'étais qu'à deux lieues plus loin. En achevant ces derniers mots, je tombai en défaillance. Au sortir de cet état, je me trouvais déshabillé et couché dans un lit qui occupait un des coins de la chaumière, ayant autour de moi un paysan, le maître du lieu, sa femme, la même qui m'avait secouru, et quelques petits-enfants. La femme avait trempé le coin de son tablier dans du vinaigre et m'en frottait le nez et les tempes. Ah, malheureux! Ah, coquin! Infâme! Je te vois arriver! Mon maître, je crois que vous ne voyez rien. N'est-ce pas de cette femme que tu vas devenir amoureux? Et quand j'aurai devenu amoureux d'elle, qu'est-ce qu'il y aurait à dire? Est-ce qu'on est maître de devenir ou de ne pas devenir amoureux? Et quand on l'est, est-on maître d'agir comme si on ne l'était pas? Si cela eût été écrit là-haut, tout ce que vous vous disposez à me dire, je me le serais dit, je me serais souffleté, je me serais cogné la tête contre le mur, je me serais arraché les cheveux. Il n'en aurait été ni plus ni moins, et mon bienfaiteur eût été cocu. Mais, en raisonnant à ta façon, Jacques, il n'y a point de crime qu'on ne commis sans remords. Ce que vous m'objectez là m'a plus d'une fois chiffonné la cervelle. Mais avec tout cela, malgré que j'en ai, j'en reviens toujours au mot de mon capitaine. Tout ce qui nous arrive de bien de mal ici-bas est écrit là-haut. Savez-vous, monsieur, quelques moyens d'effacer cette écriture? Puis-je n'être pas moi? Et étant moi, puis-je faire autrement que moi? Puis-je être moi et un autre? Et depuis que je suis au monde, y a-t-il eu un seul instant où cela n'ait été vrai? Prêchez tant qu'il vous plaira, vos raisons seront peut-être bonnes. Mais s'il est écrit en moi ou là-haut que je le trouverai mauvaise, que voulez-vous que j'y fasse? Je rêve à une chose, Jacques. C'est si ton bienfaiteur eût été cocu parce qu'il était écrit là-haut, ou si cela a été écrit là-haut parce que tu ferais cocu ton bienfaiteur. Tous les deux étaient écrits l'un à côté de l'autre. Tout a été écrit à la fois. C'est comme un grand rouleau qui se déploie petit à petit.